dans un établissement dont la devise est de tout enseigner, peut-on imaginer meilleure école pour découvrir l'importance du dialogue, de la confrontation des idées, de la diversité des points de vue? Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Face à la violence, aux préjugés, au fanatisme qui malheureusement ne semble pas en voie de disparition, l'esprit de recherche n'apparaît-il pas comme l'un des espoirs du genre humain? Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'est-ce qui se joue avec les violentes réformes étatiques au début du XIXe siècle dans l'Empire ottoman, s'interroge l'historien Etam Eldem. En abolissant la milice des janissaires, à quelle purge procède le sultan Mahmoud II? Quelle est l'imagerie des janissaires? Et qu'est-ce que la sublime porte? Quels sont les événements de juin 1826? Grand spécialiste du monde ottoman, professeur à l'université de Boğaziçi, Etam Eldem a enseigné aux universités de Berkeley, Harvard et Columbia. Mais il a enseigné aussi à l'EHESS en France, avant d'être nommé pour 5 ans titulaire de la chaire internationale du Collège de France consacrée à l'histoire turque et ottomane. Cette histoire complexe de l'Empire ottoman dans le long XIXe siècle est abordée selon deux axes majeurs, les processus de modernisation et les rapports avec l'Occident. Dans le cadre de sa série pluriannuelle intitulée « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident », l'historien met l'accent sur les années 1820-1830. Il revient sur la destruction des janissaires, ces soldats esclaves, élites de l'armée turque. Il interroge cette histoire douloureuse et complexe sur plusieurs cours. Hier, nous avons vu comment Selim III avait cherché à réorganiser l'armée et comment les janissaires se sont révoltés et ont déposé le sultan, exécuté en juin 1808. Pendant quelques semaines, lui succède Mustapha IV, mais le grand initiateur des réformes, et non sans une certaine violence, sera Mahmoud II, qui règne entre 1808 et 1839. Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 18 janvier 2019, aujourd'hui, les violentes réformes. Au XVIIIe siècle, donc, vous avez une recrudescence du fait des problèmes rencontrés par le centre, une recrudescence des autonomies locales, et ce, même en Anatolie. C'est-à-dire que dans le pourtour immédiat de Constantinople, d'Istanbul, dans la région de la mer Égée, dans la région de la mer Noire, dans les Balkans, vous avez plein de Hayyan, plein de ces potentats qui commencent à vraiment s'envelopper d'un pouvoir, d'une autonomie qui pourrait à tout moment jouer contre le sultan, contre le pouvoir du sultan. Cependant, ce qui se passe en 1807, c'est que certains Hayyan, notamment un certain Alemdar Mustafa, Alemdar, c'est un terme militaire qui représente le porte-étendard, Alem, c'est l'étendard, on l'appelle aussi Bayrakdar, parce que Bayrak, c'est aussi le drapeau, l'étendard. Alemdar, donc celui qui porte le drapeau, le porte-étendard, Mustafa Pacha, qui est un Hayyan de la région de ce qui est aujourd'hui la Bulgarie, Ruz, Rustchuk en turc, va se prononcer en faveur de Selim, revendiquant la légitimité des réformes que celui-ci avait entamées. Vous avez donc, pour la première fois, une situation assez étrange où les Hayyan, plutôt que de défendre leur autonomie, ou certains Hayyan, plutôt que de défendre leur autonomie, vont se lancer dans un jeu politique autour du pouvoir à Istanbul même, et vont se prononcer en faveur du sultan déchu, et vont faire usage de leur pouvoir pour contrecarrer la montée en puissance des janissaires à Istanbul. On se retrouve donc dans une situation où les rebelles, où le nouveau gouvernement, plus ou moins géré par les janissaires, avec Mustafa IV en tant que sultan un peu fantoche, ce gouvernement et ce système va se retrouver encerclé par les armées des Hayyan de Bulgarie, des Hayyan de Roumélie ou des Balkans. Et c'est ce qui va les faire tomber. Alemdar va réussir à reconquérir Istanbul au nom du sultan déchu, et il va immédiatement demander le rétablissement de Selim III sur le trône. Mustafa IV, paniqué, et peut-être pas tout à fait conscient de ce qu'il faisait, va essayer de sauver sa peau en jouant la carte de la faiblesse de la dynastie. À cette époque-là, donc en 1807-1808, il n'y avait que 3 représentants mâles de la dynastie ottomane. Vous savez que la dynastie ottomane est une dynastie à lignage mâle. Elle a commencé par être patrilinéaire, ensuite elle s'est modifiée au XVIIe siècle. On prenait en gros le plus âgé des princes de la dynastie d'Osman. Mais en 1807, il n'y en avait plus que 3. Donc Mustafa IV lui-même, Selim III déchu, et le jeune Mahmoud, qui n'avait que 23 ans à l'époque, jeune prince, s'en était en quelque sorte fait de la dynastie. Et il a joué le tout pour le tout, il a ordonné l'exécution de Selim et de Mahmoud pour se rendre indispensable. Je dirais pas que c'est bien vu, mais enfin c'est une tactique comme une autre. Mais c'est une tactique un peu suicidaire du point de vue de la continuité de l'État. Parce que ça a toujours été une des questions majeures de l'Empire ottoman, la succession. Le système ottoman disparaît. S'il n'y a plus de sultan, il n'y a plus vraiment d'État ottoman. C'est pourquoi les gens ont toujours plus ou moins réfléchi à des alternatives et ont pensé, par exemple en 1807, à la possibilité de remplacer, en cas de défaut, de remplacer les membres de la dynastie ottomane, s'ils venaient à manquer, par les Khans de Crimée, qui eux aussi sont de descendance ou d'ascendance turque et qui par conséquent pourraient avoir une forme de légitimité en remplacement d'une dynastie ottomane disparue. Cependant, ce ne sont que des conjectures et par conséquent, il est probable que la disparition de toute la dynastie aurait créé une sorte d'effondrement, de démantèlement anticipé du système par le vide créé par la disparition du souverain légitime, de la figure du souverain légitime à la tête de l'État. L'entourage de Mustafa IV ne réussit qu'à moitié, c'est-à-dire qu'ils arrivent à assassiner Selim III au palais où il était emprisonné, mais le jeune Mahmoud parvient à s'échapper et se réfugie sur les toits du palais. Et si vous avez jamais vu le palais de Topkapı, encore une fois, notamment les toits du harem, c'est un dédale. Donc on imagine assez facilement comment il a réussi à s'échapper par les toits et échapper à une mort certaine. Et par conséquent, le sauveur de l'Empire, Alemdar Mustafa Pasha, se retrouve dans la situation de devoir mettre sur le trône le jeune Mahmoud, qui va, jusqu'en 1839, régner sur l'Empire. Donc l'Empire, dans son sens dynastique, échappe de peu à la disparition. Et cette période de 1808 est une période de rétablissement en 1808 du pouvoir ottoman par Mahmoud II est intéressant parce qu'il dévoile de nouvelles dynamiques derrière le système ottoman par l'inclusion justement des Ayans. Les Ayans ayant réussi ce coup de force se voient récompensés en quelque sorte sous l'initiative d'Alemdar par une redéfinition du système autour de ce que l'on appelle le pacte d'alliance, Sened Ittifak. Encore une fois, de l'arabe partout, Ittifak, c'est l'alliance, Sened, c'est un document, c'est un pacte, c'est un contrat. On traduit ça de manière diverse et variée, mais c'est un document qui a été établi en 1808 à la suite de ce succès d'Alemdar pour essayer d'établir un modus vivendi et un nouveau système définissant les responsabilités, les devoirs et l'interaction entre le centre et la périphérie. D'aucuns ont appelé ça la Magna Carta ottomane. C'était exagéré. D'aucuns ont prétendu que c'était un début de constitutionnalisme. Aussi, exagéré. Mais il n'en reste pas moins vrai que c'est un document qui donne à voir l'ère du temps, la montée en puissance des Aryanes et la possibilité qu'il y aurait de recréer, de réinventer l'Empire autour d'une sorte de fédération, autour d'une sorte de coalition entre le centre, représenté par le sultan et la sublime porte, et la périphérie, ou les provinces, représentées par les principaux Aryanes. Le document reste lettre morte. Il n'y a que 4 Aryanes qui le signent, etc. Donc, ce qui importe ici, c'est de voir que tous ces événements politiques nous dévoilent l'existence de quelques partis. Nous parlons d'un système politique qui n'a pas de parti politique, il n'y a pas de représentation politique, mais c'est un système où l'on voit se dessiner des groupes qui ont la possibilité de défier ou alors de s'allier avec le centre afin de déterminer la politique de l'Empire. Le premier groupe, c'est bien sûr le centre lui-même, c'est-à-dire le sultan avec ce qui l'entoure, c'est-à-dire ce que l'on appelle la sublime porte. Bab Ali, sublime porte, vous savez que le vocabulaire ottoman est un vocabulaire extrêmement pompeux, extrêmement, donc tout est sublime, tout est magnifique, et la porte sublime, Bab Ali, c'est le nom que l'on donne au gouvernement, c'est-à-dire au siège du Conseil des ministres. Le terme de Bab ou de Kapı, porte dans un cas comme dans l'autre, Bab en arabe, Kapı en turc, est un terme central au vocabulaire politique ottoman. Depuis le 15e, 16e siècle, lorsque l'on parle des formations politiques autour d'individus puissants, des pachas, des vizirs, on utilise le terme de kapı, de porte, pour décrire ce que l'Occident appellerait plutôt une cour. La porte, symboliquement, c'est quelque chose que l'on franchit pour accéder à un espace de pouvoir, et par conséquent, la porte d'un vizir, c'est tout simplement le petit monde qui l'entoure, depuis ses conseillers jusqu'aux esclaves, tout le monde qui profite du bonheur, de la fortune, de la devlette de cet individu. Et bien sûr, la porte sublime, c'est la porte des portes, c'est la porte d'Istanbul, la porte du sérail, celle qui signifie en quelque sorte, qui fédère toutes les petites portes, toute cette constellation de portes qui l'entourent. Au XVIIIe, XIXe siècle, ce terme s'institutionnalise et on parle de Bab Ali, de porte sublime, sublime porte dans les textes occidentaux, pour parler vraiment du gouvernement ottoman. Et c'est un terme qui sera maintenu jusqu'à la fin de l'Empire. Donc, premier acteur, groupe d'acteurs, le centre même, le cœur du système, le sultan et la sublime porte. Deuxième groupe d'acteurs, les Aryanes, c'est-à-dire les représentants du pouvoir dans les provinces, ceux qui sont montés à l'assaut de Constantinople en 1807 pour sauver le sultan, plutôt que de vaquer à leurs propres occupations et à leurs intérêts particuliers locaux. Troisième groupe, les janissaires, c'est-à-dire cette partie de l'armée qui est partout dans l'Empire, mais surtout à Istanbul, qui est casernée à Istanbul, et qui, depuis le XVIe siècle, depuis le XVe même, a une forte représentation dans la politique ottomane et qui est généralement stigmatisée de tous les maux quand il s'agit justement de décrire sa velléité à se rebeller, à s'insurger contre les politiques de l'Empire. Je passe sur certains points plus ou moins folkloriques de la manière dont s'exprime la puissance des janissaires, notamment ce qu'on appelle le yama, c'est-à-dire le pillage, qui est en fait la remise, la distribution du pilaf, du riz, aux janissaires, au palais. C'est une distribution qui se fait de manière tout à fait officielle et on l'appelle pillage parce que les janissaires se jettent sur le pilaf qui leur est donné. Et les Ottomans ont toujours la bonne idée de faire coïncider cette cérémonie avec la visite d'un diplomate occidental, ce qui accroît encore plus la terreur, en quelque sorte, qui était censé inspirer cette milice aux yeux des Occidentaux, aux yeux des infidèles. D'ailleurs, il faut remarquer que tout le vocabulaire des janissaires tourne autour de la cuisine. C'est-à-dire que lorsqu'ils se rebellent, lorsqu'ils s'insurgent, lorsqu'ils organisent une révolution, le premier signe en est qu'ils renversent leur chaudron. Ils renversent leur chaudron, et quand je parle de chaudron de janissaire, je pense qu'une bonne partie du public tiendrait dedans. Ce sont d'énormes chaudrons qui symbolisent encore une fois cette manière très traditionnelle d'établir le lien entre le suzerain et le vassal, entre l'employeur et l'employé, entre le seigneur et le soldat, autour du concept du pain et du sel, c'est-à-dire de la nourriture. Donc les janissaires forment un parti extrêmement important, et nous le verrons dans un instant. Et enfin, l'autre section de l'administration qui est jusqu'à un certain point autonome du pouvoir du sultan et qui peut par conséquent, en jouant sur les alliances et sur les rivalités, peut avoir son mot à dire dans le système politique, c'est ce qu'on appelle l'ouléma, les oulémas. Les oulémas, c'est un barbarisme, puisque ouléma est déjà un pluriel. Alim, c'est le savant. C'est le savant dans le sens traditionnel du terme, c'est-à-dire le savant du Coran, le savant, tous ceux qui représentent en quelque sorte, et je n'aime pas utiliser ce terme, mais c'est un parallèle qui est parfois pratique, le clergé, si vous voulez, le clergé qui a un contrôle sur la religion et sur l'appendice extrêmement important de la religion qu'est la loi, c'est-à-dire la magistrature. Donc l'ouléma ou les oulémas, utilisons ce barbarisme, est une force extrêmement importante parce qu'ils ont derrière eux le pouvoir symbolique de la religion, de la loi, de la charia, c'est-à-dire de la loi coranique. Et ça, c'est quelque chose dont ils usent en cas de crise, et souvent on les voit s'allier avec les janissaires lors du détrônement ou de l'abdication forcée d'un sultan, parce qu'ils donnent au public une fetva, et fetva c'est une opinion légale qui justifie, qui légitime l'action entreprise par les révolutionnaires. Donc quatre parties. Le centre, la sublime portée, le palais, les janissaires, les arianes et les oulémas. Voilà en gros les quatre éléments qui, bien sûr, parfois se chevauchent, les rivalités se font, se défont, les alliances aussi, mais en gros, de manière assez schématique, voici les quatre forces qui sont en lice dans la politique ottomane. Nous avons donc vu les arianes arriver à une certaine victoire politique en se faisant reconnaître comme étant légitime et en faisant signer au sultan un pacte. Déjà, l'idée de faire signer un pacte au sultan, tous les documents émis, émanant du sultan, sont des documents qui sont unilatéraux. Le sultan ne signe pas des accords. Et ça, c'est vrai pour les capitulations aussi. Les fameuses capitulations, même si elles sont en fait négociées, et même si elles sont le fruit d'une négociation qui débouche sur un accord entre une puissance occidentale représentée par son ambassadeur et le sultan, le document final est un document unilatéral, c'est-à-dire un firmament qui accorde les principes de base de la manière dont les étrangers, les ressortissants de tel ou tel prince seront traités. Encore une fois, donc, il y a une sorte d'illusion, une fiction légale dans le système ottoman par laquelle l'empereur, le sultan, ne peut pas être amené à vraiment négocier ou à se rabaisser au niveau d'une parité avec tout autre acteur politique, qu'il soit local ou étranger. Alors, ce qui est important dans le cas du pacte d'alliance, même si, encore une fois, il restera lettre morte, ce qui est important, c'est de voir que c'est pour la première fois que le sultan est amené à pactiser avec d'autres acteurs, ce qui est déjà une reconnaissance d'une certaine faiblesse, et Mahmoud s'en mordra les doigts, ou du moins il sera pendant tout son règne extrêmement déçu par l'obligation, la situation dans laquelle il s'est retrouvé, qu'il a obligé à se rabaisser à une telle reconnaissance d'un moment de faiblesse. Et d'ailleurs, Mahmoud, très sciemment, pendant les 10-20 premières années de son règne, va s'essayer à neutraliser les éléments qu'il juge donc dangereux au maintien de sa souveraineté. Et ça, il le joue assez bien en jouant les ayans les uns contre les autres. C'est un système classique, on divise pour gérer en quelque sorte. Et de ce point de vue, dès les années 1815-16, il est déjà plus ou moins tranquille pour ce qui est de l'établissement de sa souveraineté face aux velléités des ayans. Et par conséquent, les termes et la logique même du pacte d'alliance ne seront jamais ramenés de manière ouverte ou politiquement, ne seront jamais rappelés au sultan. Ce qui pose beaucoup plus problème, c'est bien sûr les janissaires. Et pour cause, c'est que les janissaires ont une longue histoire de rébellion, une longue histoire d'opposition au pouvoir du sultan, une longue histoire de réussite face à l'autocratie du sultan, et par conséquent, ils sont dangereux. Ils sont dangereux, ils sont nombreux, ils sont armés, et ils sont en plein cœur de la ville. Et qui plus est, ils ont, ainsi que je vous le disais, un rapport assez ambigu avec la population, ambigu parfois dans le bon sens, c'est-à-dire que ce sont des gens qui de plus en plus se coulent dans la société par l'adoption de métiers tout à fait quelconques, par une immission qui est parfois un peu mafieuse dans l'activité économique et sociale de la ville. Et par conséquent, ils sont beaucoup plus dangereux, si vous voulez, dans l'immédiat que les autres. Et Mahmoud ne s'attaquera pas aux janissaires directement, il attendra un peu dans son coin, et ce n'est qu'en 1826, ainsi que nous allons le voir, qu'il va décider tout d'un coup de faire ce grand pas en avant, celui de jouer le tout pour le tout, et de se décider à en découdre et en finir avec les janissaires. Petit rappel, les janissaires, encore une fois, c'est très folklorique, on les connaît bien, cette image des années 1850, donc plus de 20 ans après leur disparition, dit à quel point cette milice, comme on l'appelait, survit même après sa disparition, du moins en image et dans la tradition. Vous avez toutes sortes de représentations des janissaires, là vous en avez, on parlera un peu de leur coiffure un peu spéciale, ce qu'on appelle le burk. C'est ce bonnet avec une aigrette dans laquelle on peut ficher une plume et puis qui se replie vers l'arrière et qui descend jusqu'à la chute des reins un peu. C'est quand même un truc assez spécial. Vous savez probablement que les janissaires datent du XIVe siècle. C'est une invention typique du Moyen-Orient, d'une milice esclave, des gens qui sont déracinés, le penjik, c'est-à-dire le droit du cinquième qui revient au sultan lors des conquêtes et qui l'utilise pour prendre sur les populations conquises un cinquième des enfants de cette population pour les transformer en des janissaires. Donc ce sont des convertis à l'islam qui, contrairement à ce que l'on pense, ne sont pas pris à la naissance ou en bas âge, ils ont en général entre 7 et 14 ans, et ce qui prouve que le mythe du déracinement, le mythe de la perte de mémoire est tout à fait erroné. C'est-à-dire que les janissaires savent très bien d'où ils viennent en général, et par conséquent, ils ont une mémoire de leur identité, ce qui ne les empêche pas de se recycler dans un nouvel environnement, dans une nouvelle identité, du simple fait des avantages qui en découlent. Ce sont donc des privilégiés, si vous voulez, de l'esclavage, et autant les miniatures ottomanes les décrivent souvent, les gravures occidentales sont encore plus tentées par l'exotisme de ces troupes, de ces soldats. Déjà au XVIe XIXe siècle, vous avez des représentations vénitiennes de janissaires de différents grades. Celui avec la grande plume, c'est un aga des janissaires, donc le chef des janissaires. Et en bas, vous avez des représentations typiques du XVIIIe et du XIXe que l'on appelle des dessins du bazar. Ce sont des dessins à la gouache en général qui sont faits par des artistes, plus ou moins des artistes, à Istanbul même, pour le besoin des touristes. Le tourisme, si vous voulez, existait déjà au XVIIIe, et tous les voyageurs qui découvraient l'Empire ottoman, et notamment Constantinople, repartaient généralement avec, sous le bras, un album de costumes, dont, bien sûr, beaucoup étaient des janissaires. Au XIXe siècle, l'artiste Brindisi s'est amusé à recréer cette milice défunte. Et d'ailleurs, il y a un musée qui est fondé en 1852, un musée des anciens costumes qui, en gros, reprend, encore une fois, les janissaires. Pourquoi ? Parce que les touristes, les étrangers, veulent voir de l'Orient. Et dans les années 1850, avec un empire ottoman qui se modernise à tour de bras, il devient de plus en plus difficile de trouver l'exotisme pour lequel on est venu. Donc, les Ottomans ont eu la bonne idée de créer de l'exotisme par le biais d'un musée, et c'est un exotisme qui continuera jusqu'au XXe siècle. Je ne sais pas si vous reconnaissez la personne sur cette photo à droite. C'est Mustafa Kemal, le futur Atatürk. En 1913, à Sofia, alors qu'il était attaché militaire, qui s'est vêtu du costume d'un janissaire pour un bal masqué, ce qui quand même est un sujet sur lequel nous reviendrons éventuellement dans les années à venir, celui de l'orientalisme oriental, de l'orientalisme ottoman, c'est-à-dire la capacité des Ottomans à se revisiter par le biais d'une vision occidentale, etc. Bon. Mais les janissaires sont aussi connus, et c'est ce qui leur donne une très mauvaise presse, ils sont connus pour leur violence envers les sultans. Et un élément extrêmement important, symboliquement traumatique, est celui de l'assassinat en 1622 du sultan Osman, un jeune sultan qui, le premier, semble-t-il, avait eu la bonne ou la mauvaise idée de se défaire des janissaires, dont il n'aimait pas l'indépendance et le danger politique qu'il représentait, et qui a été victime d'une rébellion, et qui, à la fin de cette rébellion, a été paradé dans la ville par des janissaires qui ont fini par le tuer, l'assassiner. Et ça, c'est un élément fort dans l'histoire ottomane et dans la perception que l'on a des janissaires. Parce que, encore une fois, l'ambiguïté des janissaires, c'est qu'ils ont, dans l'historiographie, ils ont tendance à être traités de manière un peu manichéenne entre la pureté idéalisée et la dégénérescence. C'est-à-dire que l'histoire ottomane, aussi bien contemporaine des événements qu'aujourd'hui, a tendance à parler toujours de la dégénérescence des janissaires, c'est-à-dire du fait que ces janissaires, au départ, étaient des soldats parfaits, un peu des moines guerriers, puisqu'ils n'avaient même pas le droit de se marier, et que par conséquent, ils étaient une sorte d'idéal du guerrier qui, au fur et à mesure, à partir du XVIe siècle, avec le grossissement des rangs, s'est dégénéré. Comment ? En se mêlant à la population, en ne plus voulant faire la guerre, mais voulant au contraire user de son pouvoir pour s'immiscer dans l'économie, dans la société, en ouvrant des tavernes, en ouvrant des boutiques, en s'associant avec des commerçants, en faisant usage en quelque sorte de ses privilèges pour faire toutes sortes de choses, hormis ce qui était leur obligation, celle de faire la guerre. Alors, cette vision manichéenne a été remise en question par bien des historiens. Jemal Kafadar est un bon exemple, et il explique que déjà au XVe, XVIe siècle, on voit des janissaires tenanciers de boutiques, des janissaires agriculteurs, et que par conséquent, cette idéalisation du janissaire comme étant la machine parfaite de guerre, et ensuite sa dégénérescence en une sorte de milice complètement dévoyée, est trop simpliste, et surtout, elle fait l'impasse sur le fait que ce qui faisait la force des janissaires, c'était leur contact direct avec la population d'Istanbul. Et là, vous avez un passage assez intéressant, qui n'est pas tout à fait clair, d'un certain Victor Fontanier, qui voyageait justement en Orient, en Anatolie, à l'époque de la destruction des Janissaires, et qui raconte son entrevue avec un vieillard local, qui lui tient ses propos intéressants au sujet des Janissaires. « Mon âme, dit-il, mon âme, pour ceux qui savent le turc, c'est « Canım », mon âme, c'est une manière assez affectueuse de s'adresser à quelqu'un. « Mon âme, dit-il enfin, sans cesser de faire chauffer son café et d'arranger ses charbons, ce que les Turcs, c'est bien connu, font à longueur de journée, le sultan Mahmoud, notre seigneur, ne veut plus des janissaires. Qu'allons-nous devenir lorsque les pachas et les grands pourront manger le pays à leur aise ?» Donc le sous-texte ici, il faudra fuir et nous faire kurdes, c'est-à-dire nous réfugier dans les montagnes et prendre les armes en quelque sorte contre le système. Mais là, le sous-texte est assez intéressant, c'est une reconnaissance du fait que les janissaires constituent une force politique qui peut et qui souvent agit en faveur du grand public, en faveur de la population, et que c'est une sorte de force tampon entre les velléités des dirigeants, des pachas locaux, ou voire même des aryans locaux, à abuser de leur pouvoir à l'encontre des populations locales. Donc, il y a un côté, je ne dirais pas de noble brigand, mais un côté de militaire qui, du fait de son immission dans les choses de la vie, devient de fait une sorte de représentant de la population. Certains sont allés jusqu'à parler de janissaires comme une sorte de société civile dans l'Empire ottoman au début du 19e ou au 18e siècle. Je crois que c'est pousser le bouchon un peu trop loin, mais c'est quelque chose qui est important dans l'étude que nous devons faire de cette situation. Astur, Yeniçeri marşı, haydi, yaa! Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Ethem Eldem dans le cadre de sa série « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident, les années 1820-1830, aujourd'hui, les violentes réformes ». Nous en arrivons donc aux événements de 1826. Ces événements ont un prélude immédiat en juin. La destruction a lieu le 15 et le 16 juin 1826. Au début du mois de juin, et là, j'utilise, comme vous le voyez, des rapports de l'ambassade de France, une première tentative qui est celle de l'établissement d'une nouvelle armée de Eşkinci. Alors, les Eşkinci, c'est une cavalerie légère, c'est un terme qui n'a rien de nouveau, en fait, c'est un terme ancien, mais c'est un terme que l'on récupère pour essayer de nommer une nouvelle armée que l'on voudrait aller dans le sens, encore une fois, de cette modernité qui avait été interrompue avec Selim III, ou après Selim III. Le texte est intéressant. Dans toute cette affaire, on évite avec un soin extrême ce qui rappelle le Nizam Cedid. Donc, le traumatisme de Mahmoud et des dirigeants, c'est surtout de ne pas tomber dans le piège de Selim III et de reparler d'un Nizam Cedid. C'est un terme proscrit en quelque sorte, et c'est quelque chose qui, on le sait, va provoquer des réactions au sein des partis conservateurs et notamment des janissaires qui se sentent immédiatement visés. Les nouveaux règlements sont présentés au public comme un extrait de ceux de Soliman le Grand, 16e siècle, typique. Tout ancien régime joue la carte du maintien des traditions. C'est-à-dire qu'on masque la nouveauté sous le déguisement d'un revivalisme politique, d'une renaissance de quelque chose qui avait été abandonné, comme un retour à l'ancien ordre de choses créé par ce monarque. C'est pour cela que dans le Conseil, on a écarté, me dit-on, l'idée d'employer, à l'exemple du Pacha d'Égypte, des instructeurs français. Il est question de ne confier l'instruction des troupes qu'à des Arabes déjà formés à la tactique européenne. Autre élément très important qui apparaît ici, c'est l'Égypte. L'Égypte qui, depuis le début du XIXe siècle, en partie à cause ou grâce à l'expédition d'Égypte, est en train de s'intégrer avec la modernité occidentale avec beaucoup de rapidité, plus de rapidité que l'Empire ottoman. Mohamed Ali pour les Égyptiens, ce pacha ottoman qui en fait acquiert de plus en plus le profil d'un ayan puisqu'il se localise, il devient de plus en plus présent dans la politique égyptienne. De fait, il devient presque autonome par rapport à la Porte. Mohamed Ali est un fan de la modernité occidentale et c'est lui qui le premier va utiliser des méthodes très semblables à celles de Selim III à la fin du XVIIIe siècle pour moderniser son armée. Et par conséquent, on voit bien que là, on essaye de trouver un juste milieu entre l'instructeur français qui rappellerait justement le contexte des années 1780-90 où effectivement le Nizam Jadid était très fortement influencé par la présence de nombre d'ingénieurs et d'officiers français en poste à Constantinople. On essaye par conséquent de distinguer cela et on parle plutôt d'Égyptiens, d'Arabes, donc de musulmans. Et ça, c'est une précaution parce que le sultan, probablement, ne sait pas encore s'il a vraiment la force de contrecarrer la réaction possible des janissaires face à cette innovation. Enfin, par toutes les précautions qui se prennent et tous les ménagements dont on use, il est aisé de juger combien est dangereux le terrain sur lequel on veut relever ici l'édifice de la puissance militaire de l'Empire. Relever l'édifice. Les Français savent de quoi ils parlent, ils connaissent le passé sélimien. La France est un modèle parce que la France elle-même est une passionnée de la modernisation et de la technologie militaire. Donc on voit bien que le contexte est déjà là, 10 jours avant les événements. Et ce qui est intéressant dans la documentation française, c'est qu'ils essayent autant que possible de s'informer auprès des locaux. Ils ont, et ça c'est assez surprenant, ils ont souvent accès à des personnalités locales et les interrogent sur leur vision des choses. Et voici ce qu'ils tirent par exemple d'un entretien avec un dignitaire qui n'est jamais nommé bien sûr. C'est bon. Il est impossible en effet que les oulémas et les janissaires s'unissent pour n'être que les dociles instruments des volontés d'un seul homme. Il est impossible que ceux qui dirigent aujourd'hui des changements aussi notables veuillent ajouter à sa force déjà si puissante qui les opprime. Il faut pour une organisation militaire les bases d'une organisation civile. Tout ce qui manque par les talents et le rang à Constantinople est pénétré de cette vérité. 3 points importants. Premièrement, la reconnaissance du danger de l'union d'une sorte de coalition entre les oulémas et les janissaires contre cette nouveauté. Deuxièmement, une référence aux tendances autocratiques de Mahmoud. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mahmoud, ce sera, vous le verrez, le Pierre le Grand de l'Empire ottoman. Quelqu'un qui, bien plus que Selim III, va prendre les choses en main et va se constituer un empire centralisé. Il veut détruire toute forme d'opposition. Et lorsqu'ils disent que sa force déjà si puissante opprime les gens, ils sont en train de parler du fait qu'il y a une réaction contre la montée en puissance de Mahmoud qui s'opère timidement depuis les années 1810. Il a déjà plus ou moins neutralisé les Ayan. On voit bien que son projet est de se tailler vraiment une base de pouvoir beaucoup plus importante qui neutralisera tous les autres acteurs et par conséquent aussi la société. Et c'est pourquoi il est intéressant de voir que cet individu parle de la nécessité de fonder les bases d'une organisation civile. C'est la première fois que l'on parle de réforme militaire qui devrait s'accompagner d'une réforme civile, entendre politique, une réforme qui impliquerait la présence, la représentation du peuple. Alors, bien sûr, la chronologie est importante puisque ceci arrive à un moment où les Ottomans sont en train de gagner, ou du moins qu'ils pensent être en train de gagner après 5 ans de galère, ils pensent en être arrivés à une victoire imminente en Grèce. La Grèce rebelle, la Grèce insurgée, ce tableau vous le connaissez probablement, c'est Delacroix, la chute de Missolonghi. Missolonghi en avril tombe, et ça c'est une des premières victoires des Ottomans, d'ailleurs qui les mène à une autre victoire imminente, celle de la prise d'Athènes, qui était tombée en 1822. Seulement derrière cette victoire se cache aussi une défaite. C'est que les Ottomans ont vite réalisé qu'ils étaient incapables de gérer la campagne grecque sans le soutien de Mehmed Ali, des Égyptiens. C'est-à-dire que la victoire de 1826, ou ce semblant de victoire, est en grande partie due à l'efficacité de l'armée égyptienne qui vient à la rescousse des Ottomans. Et ça, bien sûr, c'est ce qui donne aux dirigeants ottomans, et en particulier à Mahmoud, l'idée que la réorganisation de l'armée est une nécessité, quelque chose d'indispensable pour pouvoir mener à bien la lutte contre cette rébellion. On en arrive aux 15 et 16 juin. Voici une carte un peu plus tardive, 1840, d'Istanbul. Encore une fois, pour ceux qui connaissent un peu la topographie de la ville, vous voyez en violet ce qu'on appelle la péninsule historique, donc Istanbul même, ce que les sources occidentales appellent Stamboul, par opposition à Constantinople, la totalité. Au nord, en jaune, vous avez Galata et Péra, les quartiers qui, au XIXe siècle, seront européanisés. Et en face, vous avez Scutari, Üsküdar. Bon, donc une ville divisée en trois sections. Mais c'est dans le cadre rouge que tout va se passer. Voici, en gros, avec une précision illusoire, j'essaye de donner une impression très générale des opérations. Vous avez un point central, ici, ce sont les casernes, d'ailleurs c'est marqué, le plan est de 1840, donc ancienne caserne des Janissaires, ce sont les quartiers généraux de la révolte. Là, vous avez le palais impérial. Ici, vous avez la mosquée de Sultan Ahmed, la mosquée dite bleue, où se réunissent les dignitaires. C'est très intéressant, ils vont organiser cette action comme une sorte de campagne militaire qui sera dirigée depuis la mosquée du Sultan Ahmed. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et pendant des semaines, ils vont tous rester au sein de la mosquée et dans la cour de la mosquée. Vous avez ici la porte sublime, la sublime porte, Bab Ali. Là, vous avez l'ancien sérail, le sérail qui est en général utilisé pour les rebuts, en quelque sorte, du nouveau sérail, les anciennes femmes du précédent sultan, etc. Et là, vous avez le sérail, ou l'hôtel, comme on disait à l'époque, de l'aga des Janissaires. Les Janissaires, après 4 jours d'hésitation, puisque le projet est promulgué au début du mois de juin, vers le 6-7 juin. Les premiers exercices sont réalisés immédiatement vers le 10 et le 11, et les Janissaires ne réagissent pas tout de suite. Ils réagissent quelques jours plus tard, on ne sait pas exactement comment, pourquoi. Selon certaines sources, il s'agirait d'un officier arabe, donc égyptien, qui aurait frappé une des nouvelles recrues pendant l'exercice, et ça aurait été la goutte qui aurait fait déborder le vase de tension qui dominait déjà la milice des Janissaires. Ils s'en prennent immédiatement au palais de leur chef, qu'ils pillent, et ils s'en prennent aussi à la sublime porte, au gouvernement, qu'ils pillent aussi. Seulement, la riposte est extrêmement violente, immédiate. Le sultan qui se trouvait à Beşiktaş réintègre son palais, le palais de Topkapı, qu'il déteste à cause des souvenirs qu'il a de sa fuite sur les toits, etc. Donc c'est un traumatisme. Il revient, et c'est peut-être pourquoi il décide de tenir son quartier général dans la mosquée du sultan Ahmed. Et c'est d'ici que s'organise, sous la menée d'un certain Hüseyin Pacha, ancien chef des janissaires, la riposte qui est terrible. La riposte est terrible, et le lendemain, le 16 juin, une proclamation fait état de cette victoire où des milliers de vies ont été perdues, notamment des janissaires, et il y a une proclamation officielle qui est intéressante parce que justement c'est une proclamation. L'Empire ottoman a toujours aimé les déclarations, les firmements, etc. Mais là, pour la première fois, on voit un texte qui pourrait être qualifié de tentative de toucher l'opinion publique. Je crois que c'est là un des éléments clés de cette modernité, c'est-à-dire que le combat contre les janissaires, cette révolte et la réforme qui suit va en grande partie être menée en des termes de combat politique et de relations publiques, si vous voulez, d'une tentative de toucher l'opinion publique. Ce qui prouve, encore une fois, que les janissaires sont tellement imbriqués dans la société que le message de simplement avoir liquidé des rebelles, une milice rebelle, ne suffit pas. Il faut les condamner complètement, pleinement, politiquement, et c'est à ça que sert la proclamation au peuple du 16 juin, que je vous présente en partie des extraits dans sa traduction française de l'époque. La porte, dit-il, avait anciennement organisé la milice des janissaires, donc un peu d'histoire, qui, dans ces temps anciens, n'allait au combat en présentant la poitrine à l'ennemi. Et c'est à l'inébranlable intrépidité, autant qu'à l'obéissance qu'il montrait, qu'ont été dus tant de victoires. Donc, encore une fois, bon janissaire, mauvais janissaire. Anciennement bon, anciennement pur, anciennement idéal, et aujourd'hui dégénéré. Mais avec le temps, le désordre et toutes sortes d'abus se sont glissés parmi eux. Leur ancienne discipline a fait place à l'insubordination, et depuis 100 ans, dans les guerres où ils ont marché, ils ont cherché à couvrir de 1000 prétextes vains et mensongers leur indiscipline et la honte de leur dispersion et de leur fuite devant l'ennemi. Ce sont des traîtres à la nation. Ce sont des couards. Ce sont des soldats qui ne font plus ce qui était leur mission au départ. Ils se sont en quelque sorte trahis eux-mêmes. Et donc, continue la proclamation, la nuit du jeudi suivant, donc 15 juin 26, les janissaires se sont soulevés, se sont portés d'abord à l'hôtel du janissaire Aga, et là encore, on fait de l'histoire présente. On donne au public une sorte de rapport, les nouvelles en quelque sorte, de ce qui s'est passé. Puis à la porte, et ensuite à d'autres lieux qu'ils ont pillés. Ils ont ensuite mis en pièces à coups de couteau le Coran. Alors ça, difficile à prouver, mais encore une fois, c'est une opération de relations publiques. Quelle carte va jouer Mahmoud ? La carte de l'islam, la carte de l'Empire, bien sûr, mais l'Empire est islamique, et par conséquent, le discours sera toujours profondément ancré dans des valeurs dites islamiques. Et par conséquent, on peut aller jusqu'à inventer des crimes qui sont intolérables à l'esprit de la population musulmane de la ville. D'ailleurs, ce qui a permis à Mahmoud de gagner cette bataille, c'est le ralliement qu'il a réussi à réaliser de ses propres troupes, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà formés à la modernité, etc., mais aussi du peuple rallié sous l'étendard du prophète, le Sanjak Sherif. Un étendard qui est conservé au trésor, qui fait partie un peu des reliques de l'islam et qui est conservé comme le nec plus ultra du symbolisme islamique. Et cet étendard, il est sorti du trésor et il a été placé dans la mosquée du sultan Ahmed en signe de ralliement. Et des crieurs ont parcouru la ville en appelant la population à se joindre aux forces du sultan contre les janissaires. Le sultan, en quelque sorte, est en train d'utiliser la tactique que les janissaires eux-mêmes utilisaient à l'époque, celle de mobiliser la population pour leur cause. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, d'exceptionnel, et encore une fois, avec un discours, une rhétorique extrêmement puissante, qui est ouvertement politique et qui sent bon l'opinion publique. Donc, ils mettent en pièce le Coran qui était tombé dans leurs mains, ils se sont mis en état de révolte, ont déclaré que sous ce rapport, ils ne connaissaient ni l'autorité de la loi, ni celle des fetvas, de la Sublime Porte et des oulémas. Ils ont tourné contre le gouvernement mahométan, les armes qui leur avaient été données pour faire l'exercice voulu par la loi, et ils ont été marchés contre leur souverain. Une pareille conduite, étant hors de la religion, encore une fois, à l'instant même, tous les cheikhs d'islam, anciens et actuellement en charge, tout le monde qui est réuni, il a réussi à mobiliser les oulémas, à les inviter à le soutenir, vizirs, oulémas, ministres et autres officiers de la Sublime Porte, enfin la généralité des musulmans, donc on va au-delà de la Sublime Porte, on parle de la communauté des musulmans, l'Ummet, se sont transportés au palais de Sa Hautesse, ont pris le Sanjak Sherif, donc l'étendard du prophète, l'ont porté à la mosquée du Sultan Ahmed, on a fait publier par des crieurs publics que tout musulman eût à venir se ranger sous l'étendard sacré pour y trouver la protection du livre de Dieu et de sa loi. Ordre a été donné de marcher contre eux et le feu a été mis à leur caserne. Enfin, Dieu lui-même les a fait tomber sous le glaive de la justice et ils ont trouvé la récompense due à leur conduite. Donc, cette proclamation est très forte. Elle est longue, en plus. Là, ce que je vous donne, ce ne sont que des passages, les passages les plus frappants, si vous voulez, mais c'est une proclamation. On se demande d'ailleurs comment le public a eu vent de cette proclamation. Il est probable qu'elle a été lue, criée dans la ville par des crieurs publics. En conséquence, dit-il, l'avis unanime de tous ceux qui, animés du zèle de la religion et du gouvernement, se sont réunis aujourd'hui dans la mosquée du Sultan Ahmed, donc c'est une réunion presque populaire, sous l'étendard sacré, a été que le bien public exigeait que le nom de la milice des janissaires fût changé, que tous ses anciens règlements fussent modifiés, renouvelés, que désormais le nom de janissaire fût entièrement aboli, que de nouvelles troupes fussent levées et organisées sous le nom de troupes réglées musulmanes. Musulmane aidée de Dieu. Muallem, ilm, c'est la connaissance, Asakir, pluriel de asker, soldat, Mansouré, victorieuse, Mohammedie, mahométane, en nombre suffisant pour servir utilement la cause de la religion et de l'empire et tenir tête à l'ennemi dans les combats. Voilà. Donc, cette proclamation dit vraiment quelle est l'intention du sultan, de mobiliser toute l'opinion publique à soutenir son combat. Et oui, de l'avis unanime de tous les oulémas et en général de tous les musulmans, il a été décidé, conformément au Coran et à la loi divine, que le nom de janissaire sera désormais entièrement supprimé, etc. C'est vraiment très radical. Ça n'est pas simplement un combat livré contre les janissaires et une sorte de révolte. Non, cette fois-ci, il va de l'avant, il dépasse les bornes, si vous voulez, d'un combat traditionnel dans le système politique. Il va éliminer, il va neutraliser, anéantir complètement l'un des acteurs principaux de la politique ottomane. Alors, les rapports de l'ambassade confirme en grande partie ce qui est en train de se passer. Les janissaires sont abolis, quiconque se dit janissaire est mis à mort. Tous les officiers du corps, sauf un petit nombre, sont déclarés hors la loi. On les exécute dès qu'on les trouve, le gouvernement se montre implacable et rien n'égale sa rigueur cruelle que sa prodigieuse activité dans les mesures propres à consolider son triomphe. Ce triomphe paraît complet. Tout le monde est surpris. Peut-être Mahmoud le premier. Il est maître partout et partout l'ordre a reparu. Chacun vaque de nouveau à ses affaires. Donc il a réussi à calmer la population et à la forcer à retourner, à rentrer dans un système dit normal. Mais toutes les traces d'un si grand coup n'ont pu disparaître encore. Tout ce qui a été janissaire n'est point détruit et ne peut pas l'être, au moins de sitôt. Et de là, cet air sombre et inquiet qui trahit les sentiments divers de tant d'individus compromis ou qui croient l'être. Les ministres, les rijal, donc les dignitaires, les oulémas, sont réunis encore au sérail. Ils y sont sous la tente. C'est l'image d'un camp turc à la guerre. Donc, une situation d'exception, une sorte d'état de siège en plein dans la capitale, avec un désir d'un retour à la vie normale, forcer la population à accepter les termes de cette révolution, mais, et c'est là que les rapports d'ambassade sont particulièrement intéressants, il y a un malaise. Il y a un malaise, la population est d'abord consternée, mais elle est aussi excessivement craintive. Les chiffres, on en reparlera, des victimes de ce combat et les exécutions qui suivent, on parle de 5 000 à 6 000 morts. C'est énorme quand vous y pensez. 5 000 à 6 000, dont une grande partie ont été brûlées dans l'incendie des casernes, mais une grande partie qui est exécutée, ainsi que le décrit le rapport, des gens qui sont pris dans la rue et qui sont exécutés sommairement si le moindre doute existe sur leur allégeance à l'ancien ordre. Et la plupart des gens qui sont jugés dangereux sans être dignes d'être exécutés, ils sont exilés. On parle de 12 000, 15 000, 16 000 exilés, des gens qui sont renvoyés en province. C'est une purge telle qu'on n'en a jamais vu dans l'Empire ottoman. Ce qui est intéressant dans les rapports d'ambassade, encore une fois, j'insiste, c'est que ils vous donnent plus ou moins les mêmes faits que les rapports ou que les firmans ottomans, mais ils vous donnent quelque chose qui est extrêmement précieux, c'est cette sensation du malaise, parce que le firmant n'en parle pas. Bien sûr, Mahmoud ne va jamais dire « ma population est craintive », etc. Personne n'en parle. Toute la documentation ottomane que vous avez sur cet événement est entièrement soumise à la logique même de Mahmoud et de sa campagne. Usses affaires, les fondations de la victoire, c'est une publication qui est commandée par Mahmoud II à Mehmed Esad Efendi, historiographe, pour commémorer, pour raconter cette histoire, mais la raconter, bien sûr, selon la perspective de l'État central, selon la perspective des vainqueurs. Et par conséquent, ce qui est beaucoup plus difficile à glaner dans la documentation ottomane, ce sont ces sensations, ces sentiments, ces craintes, ces non-dits, qui pourtant sont excessivement importants. Encore une fois, je vous rappelle, les janissaires ne sont pas une milice complètement isolée de la société. Au contraire, ils sont imbriqués, ils ont des femmes, des enfants, des cousins, des boutiques. Ils sont stambouliotes. Et par conséquent, ce qui les touche, eux, touche aussi une grande partie de la population qui est soit directement liée biologiquement par la famille, par des relations à ces janissaires, ou alors économiquement et socialement. Et par conséquent, c'est un traumatisme majeur que la ville va devoir gérer et que Mahmoud va devoir essayer de gérer lui aussi, tout en maintenant son principe qu'il n'y avait pas de quartier possible. Il ne veut pas ramollir sa volonté de destruction. Et par conséquent, ce que nous verrons la semaine prochaine, c'est la manière dont cette purge se fera, encore une fois, avec le soutien de documents ottomans et français de l'époque. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Etem Eldem dans le cadre de sa série « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident » dans les années 1820-1830, aujourd'hui, les violentes réformes. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Etem Eldem. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard sous le titre « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident ». Un grand merci à Antoine Villoz de la Discothèque et aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Présentation et coordination, Meryl Meneghetti. Collaboratrice, Claude Lanneau. Demain, l'historien Etem Eldem s'interrogera sur la plus grande des guerres saintes. Dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.